Albe, même au milieu de sa forme, parlait toujours avec mille précautions et regardait toujours très peu ses interlocuteurs. Dans une sorte de divorce entre sa bouche et ses yeux, elle racontait les histoires tout en jetant autour d'elle des coups d'œil furtifs, inquiets, et on la sentait déployer une énergie considérable pour diviser son attention entre son discours et sa surveillance. Parfois, le ton de sa voix baissait jusqu'à devenir presque inaudible. Parfois, elle s'arrêtait net et fixait son interlocuteur avec un effroi soudain. Aujourd'hui, pourtant, elle se sentait en confiance avec Lara, dont la patience infinie la rassurait. Mais l'histoire qu'elle contait était si dangereuse, si interdite, que sa peur était intacte. « T'ai-je déjà parlé de notre mère ?» Clara hocha la tête en souriant. « Elle est morte, je crois. »« Oui, oui, elle est morte. Mais là n'est pas le problème. Le problème, vois-tu, c'est qu'elle n'est pas morte de mort naturelle. » Clara, dont les yeux s'agrandissaient toujours à l'évocation des mystères, demanda « A-t-elle été assassinée ?»« Chut, parle moins fort, s'il te plaît. Elle a été effacée. » Clara avait déjà entendu ce terme, mais ne lui donnait aucun sens précis. Comme tout ce qui concernait l'autorité, cependant, il avait un parfum un peu sulfureux. « Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? » demanda-t-elle à voix basse. « Cela veut dire qu'un jour la personne disparaît, corps et bien, et que personne n'a plus le droit d'en parler. » Clara frémissait de compassion. « Quel âge aviez-vous lorsque c'est arrivé ? » ?»« J'avais 17 ans, Melchior 14 et Anna n'étaient encore qu'une enfant. » « Cela a été un véritable cauchemar, Clara. J'espérais sans cesse qu'elle reviendrait. »« Votre mère, comment était-elle ? » Albe la regarda avec une acuité presque agressive. « Pourquoi poses-tu cette question ?»« Je ne sais pas, » répondit Clara un peu embarrassée. « Je me disais que vous aviez envie d'en parler. » Albe la dévisagea un long moment, au bord du silence, puis le visage candide de Clara eut raison de son inquiétude. « Ma mère était une femme exceptionnelle. C'est elle qui m'a appris à me méfier de tout, mais elle était trop imprudente et c'est ce qui l'a perdue. » Clara ne savait pas comment relancer la conversation et décida d'attendre. Sa passivité avait généralement sur Albe un effet apaisant. Cela faisait déjà plusieurs mois qu'elle se doutait de quelque chose. Elle ne me disait rien, mais j'avais des yeux pour voir. Elle ne sortait presque plus et passait ses nuits aux aguets. Elle attendait, voilà. Elle attendait que l'horrible chose se passe. Clara baissa elle aussi la voix, consciente d'enfreindre une invisible frontière. Savez-vous pourquoi les gens sont effacés ? Sont-ils effacés au hasard ? Albe hocha la tête en signe d'impuissance. Tout le monde peut être effacé, comme ça. Ils vous emmènent sans doute quelque part pour vous torturer. Ou bien ils vous tuent et détruisent votre corps. Cela peut arriver à tout moment, Clara, à tout moment. C'est peut-être la dernière fois que je te parle. Clara semblait impressionnée et Albe s'efforça de sourire. Je voulais t'en parler parce que tu es trop naïve, Clara. Il faut toujours faire attention à tout. Il faut toujours bien obéir aux ordres, dit Clara sentencieusement. Oui, murmura Albe toujours. C'est le seul moyen de se faire oublier. Puis son visage se ferma, comme frappé par une injonction au silence. Elle quitta Clara avec précipitation, comme une ombre restée trop longtemps à la lumière, et regagnant son royaume à la hâte, de peur d'être dissoute. Clara resta pensive quelques moments, puis ses pas l'amenèrent, comme souvent, vers son frère. Nils l'accueillait toujours avec une expression de douceur, de soulagement et d'attente aussi, qu'elle ne parvenait pas à modifier, quelle que soit sa propre humeur. Leur contact physique s'était naturellement multiplié depuis qu'il avait cessé de parler. Il lui parlait comme un grand sourd, avec des pressions, des caresses, des frémissements auxquels elle s'était accoutumée. Elle se laissa faire, docile, lorsqu'il l'attira contre lui et qu'il enfouit sa tête dans son cou. Elle sentait qu'il souffrait, mais se sentait incapable de le consoler. Elle profita de leur étreinte pour lui parler à l'oreille. Albe vient de me confier que la mère de Melchior avait été effacée. Nils s'écarta et la regarda avec lassitude, comme toujours lorsqu'elle évoquait le nom de Melchior. Mais sa lassitude était aussi patience, et il savait qu'il l'écouterait. Elle dit que des gens disparaissent ainsi sans laisser de traces. Elle dit que cela peut arriver n'importe quand, Nils, à n'importe qui. Comme ils ont dû souffrir, Nils. Melchior n'avait que 14 ans, tu te rends compte? Puis il s'approcha plus près de son oreille. Elle dit que cela arrive aux gens qui désobéissent aux ordres, Nils. Nils regardait dans le vide, en caressant machinalement les cheveux de sa sœur, considérant peut-être une fin qui le délivrerait. Clara, elle, au regard de le miroir qui lui faisait face, qui réfléchissait leur étrange couple désemparé. De l'autre côté du miroir, qui était sans teint, Olga, le visage crispé assistait à la scène presque immobile. Les sentiments se bousculaient un peu sous son front tiré. La jalousie qu'elle éprouvait à l'égard de Clara, avec laquelle Nils était si tendre, la méfiance accrue qu'elle éprouvait à l'égard de Melchior et l'urgence d'éloigner sa fille des griffes de cette famille, le mépris que lui inspirait cette jeune fille insipide et sous influence. Elle savait que Nils désobéissait aux ordres qui lui intimaient de se remettre à parler depuis plusieurs mois. À la longue liste de ses douleurs et de ses défaites, faudrait-il encore supporter de le voir disparaître? Elle sortit de sa cachette et envoya Clara chercher son père, puis elle décida une nouvelle fois d'affronter son fils. À chaque fois qu'elle le surprenait dans son intimité avec Clara, un espoir assassin surgissait en elle. Si la tendresse et l'humanité étaient intactes en lui, alors elle pourrait peut-être réussir à les mettre à nu elle-même. L'expérience, 100 fois renouvelée, n'avait pas eu raison de cet espoir. Elle rejoignit Nils dans le salon où Clara venait de le laisser. Il ne la regarda pas rentrer, s'attendant peut-être à ce qu'elle passe sans lui parler. Mais la décharge de stress que lui causait sa seule présence était palpable dans l'atmosphère. Olga lui faisait violemment, viscéralement horreur. « Nils !» dit-elle de sa voix la moins mondaine. « Nils, je ne suis pas venu pour te donner des ordres. » Il leva un sourcil sarcastique et elle mesura à quel point son regard bleu s'était assombri. « Je suis venu te parler du bon vieux temps de votre enfance. Tu dois t'en souvenir, Nils. Nous avons été si heureux pendant ces années. Tu étais toujours avec moi. Je t'enseignais le nom des plantes et les idéogrammes d'Orient. Tu étais un élève si passionné, si doué, comparé à ta sœur. Tu étais un fils si prévenant. » Nils baissa la tête comme pour prêter le moins de surface possible à son regard. Olga se concentra un peu et les larmes lui vinrent. « Je sais pourquoi tu as cessé de parler, Nils. Je l'ai toujours su. » Comme ces mots n'avaient pas déclenché de réaction visible, elle poursuivit. « Je me suis mise à ta place. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé dans ton esprit. Je sais que tu t'es senti trahi. » La main de Nils, qui tremblait depuis un moment, renversa brutalement le vase posé sur la table basse. Olga considéra les éclats de porcelaine qui figuraient parfaitement l'état de leur situation. Il était vain de vouloir recoller ce qui était à ce point brisé. « Je voulais juste te remercier, mon fils, pour le choix que tu as fait, pour celui que tu m'as invité de faire. » Elle observa un silence. « J'ai souvent imaginé les différentes attitudes que tu aurais pu adopter. La pire, sans doute, aurait été de divulguer ce que tu savais. Tu as eu la sagesse, la loyauté de ne pas le faire. C'est de cela que je te remercie. Pourtant, je ne peux m'empêcher d'imaginer aussi ce que notre vie aurait pu être si tu avais accepté de partager mon secret. Tu étais le seul dans la famille à pouvoir me comprendre. Tu aurais pu en profiter pour faire tant de choses de ta vie. Aujourd'hui encore, Nils, si tu voulais. Il y a tant de choses que je pourrais te dire, tant de choses que nous pourrions partager. » Nils avait le regard vide à tel point qu'Olga se demandait s'il l'entendait. « Tu pourrais me faire confiance, Nils, et tout reprendrait comme avant. » Le jeune homme tourna la tête vers elle. Il la considéra avec une telle froideur qu'elle se sentit tout à coup plus seule que s'il avait été mort. Il la fixa longuement, comme pour lui signifier qu'il n'avait pas peur d'elle, qu'il était hors d'atteinte. Puis il quitta la pièce, doucement, de son pas silencieux et fantomatique.